Alain Marchal et Alain Soral, ça décape avec Alain Soral quand on lui demande de venir commenter l'actu dont nous la fait pas de la semaine. Alors nous la fait pas effectivement. Surtout à vous. Sur certains sujets. Alors Jean-Louis dit en quoi l'Europe a un rapport si profond avec la Palestine qui nécessite de créer une liste Euro-Palestine. On n'a pas assez de problèmes comme ça. Réaction sur Internet. Jacques, enfin un invité Alain Soral qui n'a pas la langue de bois, c'est un véritable lance-flamme, ça ravigote, il faut l'inviter plus souvent. Merci. Luigi est un peu plus critique, votre invité mélange tout, il faut croire qu'il connaît tous les sujets, alors que finalement, il a une vue globale sans rien connaître, il critique tout, voyons. Mais qu'il nous montre ce qu'il propose, il serait un très bon politique, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de bruit avec la bouche, Alain Soral. Oui, oui. C'est sûr, moi j'écris des livres, il fait quoi lui? Il fait du tricot? Oh, c'est Jean-Louis, Luigi doit avoir une situation quand même, c'est pas parce qu'il critique que c'est un... Bah moi Luigi je t'emmerde, voilà. Oh, mais ça c'est de la grossièreté, non, Alain Soral, c'est gratuit. Non. Bah, mais ça c'est gratuit, il n'y a pas d'argumentaire j'ai derrière. J'ai 20 ans de boulot, j'ai publié 8 livres. Ah, bah, peut-être que Luigi derrière son email, il a aussi 30 ans ou 40 ans de boulot, il a peut-être ses souffrances et il a le droit de vous critiquer. Il peut, ben oui, mais moi je l'emmerde. Mathieu, votre invité, devrait lire Gorgias de Platon et suivre les conseils de Socrate, avoir la tchatche, ne devrait pas le dispenser de se préoccuper de justice, il embobine tout le monde, évite soigneusement les sujets sur lesquels il ne veut pas répondre. Stéphane, il a la pêche, monsieur Soral, et surtout il a raison. Est-ce que quelqu'un pourrait calmer Alain Soral, demande Mathias, je trouve son comportement scandaleux. Oui, il qui vient me calmer lui aussi. Aussi être agressif et méprisant envers les homos et n'importe qui d'autre. Anna continue, j'adore Alain Soral, j'aime beaucoup son franc-parler, la justesse de son raisonnement. Et puis Eric, est-ce qu'Alain Soral se préoccupe des chrétiens du Soudan, car eux aussi sont opprimés et même plus? Ben, moi je veux bien qu'il fasse une liste Europe chrétien du Soudan, oui, bien sûr. Et oui. Vous voterez pour cette liste à ce moment-là? Non, mais c'est encore plus loin que le problème palestinien, mais c'est vrai que la souffrance malheureusement est partout, et chacun a ses pauvres, quoi. Hein. Moi je suis sensible à la cause palestinienne, pour des raisons historiques, parce que je viens de l'extrême gauche. D'autres, ça sera le Soudan, parce qu'ils sont chrétiens. Mais moi, je respecte les arguments des autres quand je les sens fondés sur la bonne foi et le désir de communiquer. Mais le monsieur Gobert, là, je le connais depuis longtemps et malheureusement, je peux pas trop en parler, mais c'est un sacré bonhomme, hein. Attention. Hein. Misère du désir, fiction aux éditions blanches, c'est quoi ces misères du désir au pluriel, Alain Soral? Parce que après avoir passé en revue, on va quand même parler de votre livre. Oui, c'est secondaire, hein, mon petit livre. Mais c'est vrai que je parle un peu de tout ça là-dedans, hein, d'ailleurs. Tous les sujets qu'on a abordés sont dedans, bizarrement. Comme quoi, c'est alors, il y a un truc, moi, qui m'a fait bondir, parce que je lui dis, tiens, alors, pourquoi il s'en prend à ni pute ni soumise, un mouvement que tout le monde a applaudi des deux mains en disant bravo, ça va permettre de faire un peu le ménage sur ce qui se passe en banlieue. Et boum, qui tape sur ni pute ni soumise, mouvement marketing, parfaitement formaté pour les médias, c'est Alain Soral. Qu'est-ce que vous leur reprochez à Ni Pute Ni Soumise? Déjà, je vais vous balancer une petite info qui n'a pas beaucoup circulé dans les médias, c'est que le secrétaire général de Ni Pute Ni Soumise, Mohamed Abdi, qui est le compagnon de Fadela Amara, on dit compagnon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, vient de prendre 3 ans de prison, dont un enferme pour escroquerie, vous voyez, déjà. Pendant que lui rentre en prison, les autres, elles sortent un disque. Moi, ce que je vois, c'est que je me suis intéressé à cette association sur le terrain, j'ai vu qu'elle était énormément manipulée par des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec les quartiers, que le but était c'est dans mon livre tout ça, mais que le but était en fait de créer des tensions entre les garçons et les filles, avec toujours le même but pour moi, c'est de retarder l'intégration des banlieues par tous les moyens, enfin de ces maghrébins français d'origine maghrébine, et que c'était ce qu'on appelle une stratégie de la tension, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment dans le monde, et que c'était très contre-productif et très manipulé. Attends, voilà. Alain, elles veulent l'inverse, au contraire, elles disent aujourd'hui, nous on veut être libre, on veut plus avoir. Alors moi ce que je démontre dans le livre, des grands frères, je dis que de ce que j'ai vu, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Moi, ce que je démontre dans le livre, c'est qu'en réalité, il est beaucoup plus dur d'être un garçon qu'une fille en banlieue, parce qu'en fait, la France est tout à fait d'accord pour accepter les petites beurrettes, surtout quand elles sont mignonnes, hein, comme Ness, hein, comme hôtesse, etc. Et en fait, on ne veut pas des garçons. Et en fait, la réalité, c'est là. Il y a une vraie souffrance et une vraie solitude des garçons qui restent bloqués en bas des tours, alors que les filles, elles, on les laisse rentrer dans les boîtes, on les invite, parce qu'en fait, c'est de la chair fraîche, quoi. Et en fait, je dis pas qu'il n'y a pas de problème entre les garçons et les filles en banlieue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit conflit de mœurs entre des sociétés patriarcales traditionnelles issues du Maghreb et nos sociétés néo-matriarcales, pan-capitalistes, fusionnelles, etc. Ça, c'est un autre aspect. Mais j'essaye de rééquilibrer un peu le débat et de voir qu'aujourd'hui, on nous a montré pendant 20 ans que c'était à cause des vilains colons français que les immigrés se sentaient pas bien. Il y avait une espèce de communication à la touche pas à mon pote, qui était instrumentalisée d'ailleurs par le Parti Socialiste. Et les mêmes qui nous ont dit touche pas à mon pote pendant 20 ans, aujourd'hui nous dit vous pouvez y aller les toucher et même violemment parce que ce sont tous de vilains islamistes violeurs. Alors d'abord, ça s'appelle de la caricature. Non, mais c'est le but, c'est de faire, c'est de créer le soupçon pour tout Français d'origine maghrébine que c'est un fondamentaliste et un violeur. Je fais déjà remarquer qu'on peut non, pas être les deux. Ce sont les fondamentalistes et les radicaux qui font aujourd'hui que justement le soupçon pèse sur les autres. Eh ben moi, j'y suis allé voir sur place et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de médiatisation du problème que de problèmes réels. Et je suis inquiet. Je me dis que quand il y a une surmédiatisation avec ces histoires d'imams des caves, de pauvres imams de Vénitieux qu'on fait parler, qui est un abruti exprès pour dire voyez les Arabes veulent frapper les femmes, c'est qu'on veut à tout prix. Il y a une sorte. Je vais poser mes mots. Il y a une sorte d'appel à la ratonnade aujourd'hui de certains médias de pouvoir et qui s'appelle une stratégie de l'attention et qui correspond beaucoup d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment dans le monde et notamment en Irak. Je trouve ça très dangereux. Je vois pas pourquoi on veut pousser les chrétiens et les Arabes à se taper dessus et qui tire les marrons du feu. Je dis c'est pas le meilleur moyen d'intégrer les franco-maghrébins que de systématiquement les humilier. Au contraire, je pense que la seule solution c'est qu'ils accèdent enfin à la classe moyenne et qu'il y ait des réussites sociales et qu'on montre un peu les Français d'origine maghrébine de banlieue qui ont Bac+5, qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont beaucoup discriminés à l'embauche et qui sont beaucoup recalés au concours administratif. Et moi, autant je suis pour la double peine, autant je suis pour la non-discrimination à l'embauche. Et je crois que cette stratégie de l'attention qui est mise en scène aujourd'hui par Ni Pute Ni Soumise, complètement instrumentalisée par le PS, et on sait qu'il y a derrière, tout ça est dans mon livre, est démontré dans mon livre, est très contre-productif, très dangereux, et n'est peut-être pas sans rapport avec justement l'affaire israélo-palestinienne, et avec un certain soutien des gamins de banlieue pour les Palestiniens. Vous faites un sacré foutu cocktail. Moi je suis un initié et c'est mon sujet, ça veut dire que les autres sont des cons. Non, ils n'ont pas réfléchi comme moi au problème, ils sont pas allés voir. Ça veut dire vous détenez la vérité absolue. Non, j'ai travaillé sur le sujet, je suis allé voir les réseaux, les trucs sous-jacents, je suis allé voir ce qu'il y avait derrière Ni Pute Ni Soumise et je veux même pas trop en parler à l'antenne, mais dans mon livre, ceux que ça intéresse verront ce qui... et là je les mets au défi de me contrer, ceux qui manipulent le PS, qui manipulent ces associations. Tout ce que je dis sur Ni Pute Ni Soumise est vrai. D'ailleurs, ils refusent de dialoguer avec moi parce qu'ils savent que je connais pas mal de vérités sur eux et d'ailleurs le fait que Mohamed Abdi soit en prison pour escroquerie, ça n'a pas été très médiatisé parce que ça les gêne terriblement. Vous voyez, c'est pas pour autant que le mouvement est dissous, ça discrédite le mouvement. Je vous disais que le mouvement, c'est 500 personnes. Il y a 2 millions, de filles d'origine immigrée en France. Et le mouvement Ni Pute Ni Soumise, c'est 500 personnes. SOS Racisme, 400 personnes. Ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Françoise, elle a appelé au 32-16 parce qu'elle voulait vous parler. Il nous reste encore 3-4 minutes. Elle est avocate. Je pourrais parler sport un peu après. Dans les Alpes-Maritimes. C'est pour ça que Jean Rességui vient d'arriver. Alain Soral est exécrable pour vous, Françoise. Absolument. J'aime beaucoup votre radio et je l'aime pour son ouverture d'esprit, pour le fait qu'elle donne la parole à tout le monde. Mais Monsieur Soral, écoutez, moi j'ai l'habitude de respecter, professionnellement j'ai l'habitude de débattre avec pas mal de gens. Je vous trouve, vous êtes tout ce que j'exècre, c'est-à-dire vous êtes intolérant. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, madame. Vous ne laissez pas parler vos interlocuteurs. Vous avez été extrêmement désagréable avec la personne homosexuelle à laquelle vous n'avez pas laissé. Et là, vous êtes encore en train de m'interrompre. Oh, oui. Naturellement, je n'accepte absolument pas et je suis entièrement en désaccord avec vous sur ce que vous avez dit sur le problème palestinien parce que je pense que vous essayez de manier des concepts auxquels vous ne comprenez rien. Bien sûr, madame, vous allez me donner des leçons de concept. Vous êtes une caricature de l'extrême gauche. Comme vous l'a dit l'animateur qui... Vous venez d'où, madame, vous? Je ne sais pas. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Vous mélangez tout, vous maniez des concepts, à mon avis, auxquels vous ne comprenez rien. Vous ne servez certainement pas l'extrême gauche qui a probablement ses mérites. Et je ne vois rien d'intéressant. Et vous servez qui, madame? Excusez-moi, mais... Je ne vois personnellement rien d'intéressant dans tout ce que vous nous avez dit. Donc c'est pas la peine, François, c'est Alain Marchal. À la limite, éteignez le poste et faire autre chose. François, c'est Alain Marchal. C'est pas la peine que je vous envoie le livre d'Alain Soral, alors. Absolument pas, mais... Bah, c'est dommage. Il se vend très bien, madame. Françoise. Et c'est pas les médias qui m'ont fait de la pub. Merci, Alain Soral. On savait en invitant Alain Soral, de toute façon, c'était pour ça qu'il était là aussi, pour permettre... Oui, moi, je vous dis, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Alain Soral, on va parler sport. Je savais pas que vous faisiez de la boxe, vous entraîniez un club de boxe. Bah, je suis instructeur fédéral depuis cette année, donc je co-entraîne à l'Aviron Bayonnais. Et là, nous organisons le gala du centenaire de l'Aviron Bayonnais. Donc, je profite de cette présence dans les médias pour dire que Salle Loga à Bayonne, à 20h30 samedi, il y a un gala de boxe organisé par moi et mes camarades avec des combats professionnels, amateurs, même féminins. Et je vous dis, venez nombreux, vous qui êtes dans la région, Salle Loga à 20h30 samedi soir, ce samedi, c'est-à-dire demain, voir le gala du centenaire de l'Aviron Bayonnais. Bon, ça va, samedi soir, vous ne serez pas en concurrence avec l'Aviron Bayonnais rugby ou avec l'Aviron Bayonnais football. Jean Rességui, monsieur Alain Soral, monsieur foot, monsieur sport, Jean Rességui. Alors remarquez, vous avez entendu le ton d'Alain Soral. Il y a du caractère et en plus, si c'est de la boxe, ça va déménager quand même. Il vaut mieux. Un peu obligé parce que moi, je suis un peu menacé physiquement souvent. Oui, je suis un peu obligé de me défendre, oui, parce que j'ai des puissants ennemis, croyez-moi. Bon, Alain Soral, c'était sympa d'être passé quand même nous voir. J'étais très content d'être là. Le foot, bravo Marseille, bravo Monaco, Alain Soral. Énorme, très bien. et ils ont des chances de l'emporter. Avec des budgets 6 fois inférieurs au club en face, ça c'est une belle leçon populaire. Oui. Quoique le budget monégasque, il est quand même pas mal. Non, mais enfin, quand ils ont sorti le Real, yes, c'est vrai. Hein, c'était beau. Alors, au menu de l'Arkéfoot, mon cher Jean Essayer. On va revenir sur, bien évidemment, l'Olympique de Marseille. Hier, on a parlé de Monaco, ce soir c'est l'Olympique de Marseille. On sera en ligne avec Pape Diouf, le nouveau directeur sportif, manager général. Laurent Bacless, un des héros de la soirée, celui qui a passé ce fameux ballon sur le coup franc pour le deuxième but de Didier Drogba. On parlera des Verts parce que ce soir, il y a Niort-Saint-Etienne. Il venait de rentrer, très bon coaching. Hein. Exactement. Et Saint-Etienne peut être avec un match nul ce soir face à Niort, d'ores et déjà en Ligue 1. Et puis on reviendra sur l'étranger avec l'Espagne et Fred Hermel sera en ligne avec nous pour nous parler de Beckham qui apparemment va quitter le Real pour peut-être aller soit Arsenal, soit à Chelsea. On sera avec Philippe Auclair pour parler de Manchester Chelsea, le 32-16, rmcinfo.fr, vous avez l'habitude, c'est l'Arc et Foot avec Jean-Michel, entre 18h et 19h. Et Alain Soral, c'est Misère du Désir aux éditions Blanches, merci Monsieur Soral. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, et l'avantage d'un livre, c'est que si vous le laissez fermer dans un coin, il ne fait pas de bruit. Hein. Et c'est pas comme moi. Bon retour au Pays Basque. Bonsoir, merci à lundi.